l'étude du chat. Que depuis quelques mercredis, on ne parle pas tellement du chat, on parle plutôt de la vie de chacun. Et puis, mais c'est agréable parce qu'on dit toujours que le mercredi soir est un prétexte pour venir ensemble. Et puis, c'est un temps où les gens viennent sans prétention, sans aussi aucune pression de rendement, de performance. C'est un temps de détente, hein, qu'on dit. On vient et puis on se détend, on parle, on jase. Et puis, mercredi qui vient, on va essayer de revenir au chat. Mais alors que mercredi soir, justement, on parlait, puis on revenait sur le thème de la méditation. Et puis, il y a un élément par rapport à la méditation que j'avais omis de mentionner la semaine dernière. Et puis, donc en parlant avec le groupe, ceux qui étaient présents mercredi soir, alors, je me suis souvenu, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de souligner cette dimension-là de la méditation. Donc, en regardant mes notes et puis en réfléchissant, alors je me suis dit, bon, ça irait bien en lien avec une autre série de méditation qu'on pourrait faire sur la célébration des moyens de grâce. Je ne sais pas pour vous, mais dans le monde, hein, dans les églises évangéliques, parfois on entend parler, hein, du combat spirituel, la guerre spirituelle. Et puis, je sais que certains lieux, hein, où c'est plus présent que d'autres, hein, quelqu'un me disait à un moment donné, tu ne parles jamais de Satan. Ben, je disais, ben c'est pas mon focus, c'est Jésus qui est mon focus. Hein? Pourquoi parler du diable, pourquoi parler des démons, tant qu'on peut parler de Jésus, tant qu'on peut parler de Dieu, tant qu'on peut parler du bien. Pourquoi parler du mal, hein? Tant qu'on peut parler du bien. Mais il y a quand même cette dynamique parfois dans certaines églises où on va parler du combat spirituel. Et c'est en pensant à cette dimension-là de la vie, en guillemets, spirituelle, le combat spirituel, que je pensais aux moyens de grâce, aux moyens de grâce que Dieu nous donne. Souvent, on cherche à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de nous. On cherche au loin ce qui est au proche. Pas vrai? Il y a quelques semaines, justement, j'avais été approché par des membres de l'Assemblée de Rosemère pour participer à, comment on pourrait dire, un genre de groupe de soutien pour un jeune frère de la communauté qui vivait des tentations, des problèmes. Et puis, cette personne-là donc m'appelait parce que sachant que j'étais un mentor dans la vie de cette personne-là, il a dit, est-ce que tu voudrais participer à ce groupe? On veut juste l'aider, puis on pense que peut-être ça lui ferait du bien parce qu'il est très découragé, parfois des pensées suicidaires, parce que bon, hein, je ne serai jamais un bon chrétien, j'arrive pas à surmonter telle et telle tentation, puis... entre autres, il y avait... enfin, je nommerai pas les problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, donc en rencontrant cette personne-là individuellement, parce qu'avant de participer au groupe, qui se rencontrait il y a deux semaines, un dimanche après-midi, donc j'avais rencontré cet ami, je l'avais rencontré personnellement, tout simplement parce qu'il est arrêté chez moi en passant, puis... salut, je viens de rendre visite, puis on a parlé, puis on a jasé par rapport à la rencontre qui devait avoir lieu le dimanche suivant. Et puis, on me raconte un peu ce qu'il vit, la problématique. Et puis, mais dans sa perspective à lui, c'était comme... Il croyait que la victoire à l'avenir, parce qu'il sentait qu'on avait besoin, il avait besoin qu'on prie avec lui, puis qu'on chasse des démons, qu'on lit des esprits. Puis. Et là, je me suis dit, oh non, non, moi, j'embarque pas là-dedans. Ça fait que dimanche, j'allais à la rencontre un petit peu à reculons. J'étais récalcitrant parce que je suis plus là. Je suis pas en train de blâmer le diable et les démons pour tout ce qui nous arrive. Et puis, alors finalement, à ma grande surprise, puis à ma joie aussi, toutes les personnes présentes, on était 6, je pense, 6 personnes importantes dans la vie de cette personne-là, qui était là pour le soutenir, et tout le monde était d'accord que le problème, c'était pas les démons. Le problème, c'était pas le diable. Mais dans le combat, dans cette lutte spirituelle dans laquelle on est, pour être de meilleurs humains, comprenez-vous que lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'on parle d'être un bon chrétien, en réalité, qu'est-ce qu'on veut être, c'est être de bons humains. Pas vrai? Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est un bon humain. C'est tout. Parce qu'un bon chrétien, en réalité, c'est quelqu'un qui est un disciple de Jésus, qui apprend de Jésus, qui apprend à voir la vie, à avoir les pensées de Dieu, à avoir les valeurs de Dieu dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui apprend de Jésus à imager Dieu. Alors, en réalité, si on image Dieu, on est en train de devenir des humains, comme Dieu aurait voulu que l'homme soit. Alors, être un bon chrétien, c'est d'être un bon humain, une bonne personne. Cela dit, alors que je parlais avec cette personne-là, dans le groupe, on était réunis, là, alors je leur faisais part d'un des moyens de grâce, un des premiers moyens de grâce que Dieu nous donne dans la lutte, ou dans le progrès, dans le combat spirituel, un des moyens de grâce que Dieu nous donne, c'est la méditation. C'est de méditer la parole de Dieu, puis de développer une intimité avec lui. Nous, on va parler, pendant cette semaine, on va parler des moyens de grâce. Ce matin, on prend la Sainte-Cène, parce qu'un des moyens de grâce que Dieu nous donne, c'est la Sainte-Cène. C'est l'Eucharistie. Donc, on va parler des 6, enfin, il peut en avoir plus, mais chez les protestants, on retient 6 moyens de grâce. Chez les catholiques romains, on va parler de 7 sacrements. Alors, au lieu de parler de moyens de grâce, on va utiliser le terme sacrement. Je ne suis pas en train de sacrer. Hein? On parle de sacrement. Et puis, on en ajoute un 7e, qui est le sacrement du mariage. Mais dans le cadre des moyens de grâce que nous voulons aborder durant ces quelques semaines à venir, qui va nous conduire juste à l'été, probablement. Donc, on va parler de 6 moyens de grâce. Daniel, veux-tu mettre l'acétate, s'il te plaît? OK. Le dictionnaire biblique, un dictionnaire biblique de la Bible définit les moyens de grâce comme étant premièrement les institutions ordonnées par Dieu par lesquelles les âmes des hommes sont récipiendaires de la grâce. C'est-à-dire que les moyens de grâce, ce sont des institutions, des choses que Dieu, que Jésus nous a commandé de faire. Et qu'en le faisant, il y a une grâce qui nous est communiquée. Hier, bouchez-vous les oreilles, hier, j'ai assisté justement à une confirmation. Parce que j'ai un couple d'amis où le mari est évangélique. La femme, son épouse, se disait athée auparavant, mais maintenant, elle renoue avec sa foi romaine. Et puis, donc, ils ont décidé d'élever des enfants, à la fois évangéliques, à la fois catholiques romains. Et puis, donc, ils vont à la messe dimanche matin de bonne heure, puis ensuite, ils vont à l'église évangélique plus tard à 11h. Et puis, donc, les enfants, ils sont exposés aux deux. Puis, alors, mais hier, c'était la confirmation de Corentin, leur fils aîné. Puis, je suis assez proche de la famille. Puis, c'est un peu comme mes petits-neveux. Hein? Et puis, fait que bon, je suis allé donc à la confirmation. Mais la confirmation, hein, est vue par l'Église catholique romaine comme étant un moyen de grâce. Que par la confirmation, l'enfant confirme que l'engagement que les parents ont pris au baptême, qu'il veut le prendre maintenant pour lui-même. Donc, il est confirmé dans sa foi, dans la foi que les parents ont, au tout début à la naissance, qu'ils lui ont transmis. Hein? Fait pour eux, c'est un moyen de grâce, il y a une grâce de Dieu qui communique. Bon, je ne suis pas en train de prôner la confirmation, mais je me disais quand même que c'est dommage que chez nos enfants, qu'on n'a pas des traditions comme ça, où est-ce qu'on pourrait confirmer un jeune, un enfant, puis ensuite un ado, avoir un peu comme c'était les Juifs ont, c'est-à-dire le bar mitzvah, quand le jeune, hein, il devient un adulte, puis il est capable de lire le livre de la loi publiquement dans la synagogue. Tu sais, ils ont des rites comme ça qui confirment la personne dans sa foi. Puis je me dis que c'est bien. Mais je reviens au fait que pour eux, il y a une transmission de la grâce. Dieu transmet une grâce. Alors, ce sont des gestes, hein, des gestes que nous posons, et que dans l'action de ce geste, ce matin, on va poser un geste. Dans l'action de ce geste, alors que nous posons le geste, nous croyons qu'en le faisant, il y a une grâce. Dieu communique une grâce, une capacité. Il y a un déclic même qui peut se faire. Hier à la confirmation. Hein? Ben, à la confirmation, supposément, l'enfant reçoit le Saint-Esprit. Mais Corentin l'a reçu bien avant la confirmation. Parce que bien avant, Corentin, un dimanche, il est revenu de l'église, puis il a dit, papa, je ne sais pas ce qui se passe en moi, mais ce matin, j'ai senti tellement la paix en moi. Il y a quelque chose qui se passe en moi, je ne comprends pas, je suis content, je suis joyeux. Hein? Ben, c'était une action de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Alors, il avait reçu le Saint-Esprit bien avant hier. Mais on croit que, avant qu'on pose un geste, parfois il y a un déclic qui peut se faire. On peut recevoir une grâce spéciale de Dieu. Le même dictionnaire va parler de canaux normatifs, ou de voies normales par lesquelles l'Esprit de Dieu passe. Hein? Lorsqu'on parle du combat, là, le combat spirituel, pas besoin de chercher quelqu'un qui chasse les démons. Il y a des moyens de grâce que Dieu nous donne, ce sont des canaux, hein, un canal, hein, des canaux normatifs par lesquels la grâce de Dieu passe pour nous venir en aide dans la lutte que nous avons, que nous livrons chaque jour pour être de bons humains. Prochaine diapo. Alors, il va dire, ce sont par ces canaux, premièrement, que Dieu voudrait véhiculer sa grâce pour nous accorder force et secours, nous assurer du pardon de nos péchés, illuminer notre esprit, raviver notre cœur et fortifier notre volonté. Donc, chez les protestants, normalement, on parle des moyens de grâce sont les suivants, le baptême, le repas du Seigneur, la parole, la prière, la fréquentation de l'Église, donc appartenir à une communauté, la fréquenter, hein? Pas seulement être membre, mais fréquenter la communauté, parce qu'il y a une grâce qui se communique en étant ensemble. Et l'Église romaine ajouterait la confession. Je la retenais dans les moyens de grâce. Mais on va considérer la confession d'un autre angle que l'angle de l'Église catholique romaine. Mais c'est aussi un moyen de grâce. On va le voir. Richard Foster est un théologien évangélique, un auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre, c'est Celebration of Discipline, la célébration de la discipline. Oh, ça fait mal ce mot-là. Maître d'histoire. Quelqu'un dans le groupe a dit, j'aime pas ce mot-là, Jean. J'aime pas ce mot-là. Je comprends. Parce que moi non plus, je ne l'aimais pas. Juste à ce que je jette un autre coup d'œil. Hein? Donc, le titre du livre, c'est Celebration of Discipline, the Path to Spiritual Growth. En français, Célébration de la discipline, le chemin vers la croissance spirituelle. Y en a-t-il qui l'ont déjà lu? Jamais? Oui? Catherine? Oui? Très bon, Celebration of Discipline, très, très, très bon ouvrage. Mais, au lieu, je trouve que le langage est un peu religieux. Hein? Donc, dans mon esprit post-moderne, je dirais, au lieu de parler de croissance spirituelle, je préférerais parler de discipline qui contribue à un bon apprentissage, à devenir de bons apprentis de Jésus. Voilà des disciplines. Lorsqu'on va parler des moyens de grâce, on parle de disciplines qu'on veut développer, qui peuvent nous aider à devenir de bons apprentis, des personnes qui apprennent bien. L'auteur, enfin, là, si on introduit le livre, l'éditeur du livre fait cette introduction et dit que « Célébration de la discipline explore les pratiques spirituelles centrales de la foi chrétienne et qui contribue à la croissance spirituelle. Le livre célèbre 12 disciplines classiques. » Nous, on va parler de 6 moyens de grâce. Richard Foster développe 12 disciplines. On va en rester aux 6 moyens de grâce. Ça va aller plus vite. Le livre célèbre donc 12 disciplines classiques qui sont divisées en 3 catégories ou mouvements de l'esprit, dont des disciplines intérieures, des disciplines extérieures et des disciplines qui sont corporatives ensemble. Fait que lui, il va parler de prochaine acétate. Il parle donc de la discipline de la méditation. Vous allez voir qu'il y en a certains là-dedans qui rejoignent des moyens de grâce. La méditation, la prière, le jeûne, l'étude, la simplicité, la solitude, la soumission, le service, la confession, l'adoration, la direction divine et la célébration. Lorsque justement mercredi, quelqu'un disait « j'aime pas entendre le mot discipline », je suis d'accord avec toi. Sauf que si on entend le mot autrement que une obligation, ou bien donc une peine à subir, hein? On parle de discipliner un enfant, hein? Ça c'est la fessée. Discipliner un enfant, c'est rude, là. Si on pense à discipline comme étant quelque chose qu'on m'impose, Ouais, c'est comme c'est pas alléchant. Mais si on considère le mot discipline sous l'angle d'un objectif à atteindre, je me souviens, je dis bien je me souviens, parce que j'ai cessé de faire de l'entraînement physique il y a quelques années, quand je suis déménagé à Blainville. Puis ensuite, je suis revenu à Montréal, mais c'est comme j'ai perdu le beat. Mais avant de déménager à Blainville, en 2000, en l'an 2000, alors je m'entraînais à tous les matins. À 7 h le matin, j'étais au gym sur l'avenue Christophe Colomb, au coin de Marianne. Puis ça me donnait en forme. Mais les premières fois, ceux qui font de l'entraînement, du sport, vous savez comment que les premières fois, c'est ardu. Hein? C'est dur de se lever, c'est dur d'aller, puis c'est comme, pourquoi se martyriser? Hein? Payer en plus pour se martyriser. Puis les muscles qui nous font mal de partout. Puis, oh. Mais ceux qui ont déjà fait de l'entraînement, vous savez très bien qu'on devient accroché. Hein? Accroché à l'entraînement physique. Et à un moment donné, quand tu manques une journée, ah, tu fais le mal. Il y a quelque chose qui te manque. Parce que ton corps désire cet effort que tu as produit. Il y a un manque, là. On devient vraiment accro. Moi, je me souviens des samedis matins où est-ce que j'avais pas le temps, j'avais peut-être autre chose, d'autres activités, mais il fallait absolument, avant la fin de la journée, que j'aille au gym, faire mon entraînement, même le samedi après-midi, à 30 degrés Celsius. Hein? J'étais au gym à suer, puis à. Tu sais, parce que c'est ça qui complétait ma journée. C'est une discipline. On se discipline en vue d'un objectif. Les sportifs, on regarde les sportifs qui ont participé aux Olympiques, hein, qui s'entraînent en vue d'un objectif. Toutes les contraintes qui s'imposent. En vue de quelque chose. Les moyens de grâce dont on va parler. Les disciplines dont Richard Foster parle. Si on les voit sous l'angle d'un objectif à atteindre. Alors quelqu'un dans le groupe disait, j'y pense pas. J'y pense pas de méditer. Auparavant, je méditais, je lisais ma Bible, mais là, ça ne me tente plus. J'ai perdu l'habitude de. Ben justement, c'est parce que c'était ton habitude. Mais si ça devient une discipline en vue d'atteindre un objectif, à un moment donné, tu ne pourras plus t'en passer de ta méditation le matin. Le soir, peu importe le moment où vous allez le faire. Ce temps d'intimité que vous avez privilégié avec Dieu, vous ne pourrez pas vous en passer. Vous allez vous lever, admettons que vous méditez le matin, vous allez commencer par méditer, faire votre journée, mais si un matin, vous sautez par-dessus un matin, vous allez vous sentir mal. Pas par la culpabilité, mais par le manque, parce que j'ai devenu accro de cette intimité, de ce temps que vous privilégiez dans la présence de Dieu. Alors plus loin. Parce que ce matin, on veut toucher vitement, deux moyens de grâce. Parce qu'on veut participer à la table du Seigneur. Enfin, on va aller vite, okay? Parce que c'est quand même deux moyens de grâce. on connaît, qu'on a déjà vu, et puis on ne s'attardera pas trop dessus. Donc, le premier moyen de grâce, c'est le baptême. C'est rudimentaire, mais il faut le mentionner, parce que c'est le point de départ de notre engagement avec Dieu. Évidemment que le baptême, c'est un geste qui ne se répète pas. Enfin, s'il se répète, il ne se répète pas souvent, parce que c'est arrivé. Des gens qui ont été baptisés une fois, puis ont dit, est-ce que je peux me faire rebaptiser? Parce que j'ai comme l'impression de ne pas bien avoir compris mon premier engagement. Hein? Puis on a rebaptisé la personne. Puis j'ai dit, si tu veux te faire rebaptiser une troisième fois, il n'y a pas de problème. Parce que hein, le baptême est là comme étant une confession d'un engagement qu'on prend face à Dieu. J'aime bien cette citation de Karl Barth par rapport au baptême. Là, il dit que le baptême, le chrétien regarde derrière lui et en dépit de son péché, reçoit par le Saint-Esprit et le baptême le témoignage de la mort de Jésus-Christ et par là même de sa propre justification. Sa foi est fondée sur le fait que Dieu lui-même a pris en Jésus-Christ la place de l'homme et a ainsi assumé inconditionnellement la responsabilité de sa destinée. On pourrait dire que tout le poids, on chantait tantôt, là, on chantait par rapport à Dieu qui est saint. Lorsqu'on dit que Dieu est saint, on est en train de dire que Dieu s'est complètement mis à part. Hein? Parce que c'est ça que le mot veut dire. Mis à part. Dieu se donne entièrement. Il nous aime inconditionnellement et il se donne entièrement. Donc, derrière mon engagement, lorsque hein, quelqu'un se fait baptiser dans la mort de Jésus-Christ, il y a derrière ce geste tout le poids de la sainteté de Dieu, que Dieu se met entièrement derrière nous dans cet engagement de vivre le projet de Dieu, de rentrer dans le projet de Dieu. Le deuxième moyen de grâce, c'est l'Eucharistie, auquel on va participer ce matin. L'Eucharistie, hein, c'est un mot grec, mais qui veut dire, hein, souvent on hésite à se servir du mot Eucharistie. Mais c'est un beau mot qui vient de deux mots en grec. U pour éloge et charisma pour grâce. Alors, lorsqu'on participe à l'Eucharistie, on est en train de célébrer la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce que Dieu nous a faite en Jésus. C'est une célébration de la grâce de Dieu. C'est pour ça que l'Eucharistie n'est pas un moment de tristesse, n'est pas un moment de dire, oh, pauvre Jésus, il est mort pour moi, puis je ne mérite pas, puis qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, je peux-tu participer à la croix du Seigneur ou non, puis restons, hein, on se morfond, puis c'est un temps de célébrer, de se réjouir, de dire, alléluia, parce que, c'est la grâce que Dieu nous a. On célèbre la grâce que Dieu nous a fait. On se rappelle, on l'a déjà souligné. Hein? On a même pris déjà la Sainte Cène avec du pain, puis toutes sortes de pains, des viandes froides, des fromages, pour hein, souligner le fait que c'est lors d'un repas que Jésus a institué la Sainte Cène, l'Eucharistie. C'est en mangeant. Il y a une communion, là. On va le refaire sans doute. Hein. À un moment donné, c'était beau, c'était bien de le faire dans le cadre, de partager un casse-croûte ensemble. Mais j'aime bien cette citation. J'aurais une autre citation, mais le temps avance. Mais il y a une citation que j'aimerais citer avant d'aller plus loin. Une citation que j'ai tirée du livre de Jean Tillul, mais la citation est de A. Butté, qui dit que la repentance n'est libération que si elle est suivie de l'acte de foi au pardon. L'acte de foi au pardon. Il faut croire au pardon de Dieu. La célébration de l'Eucharistie, elle est vaine si on n'ajoute pas foi au pardon que Dieu nous accorde. On croit qu'en participant à la table du Seigneur, c'est un moyen de grâce que Dieu nous donne, de saisir son pardon. Je ne déteste pas des fois participer quand je vais à l'église épiscopale. Christine n'est pas là, on est allé une fois ensemble. Mais je ne déteste pas, j'aime aller parfois à l'église anglicane et d'entendre le prêtre déclarer que je suis pardonné. Hein? De déclarer qu'il me pardonne au nom de Jésus. C'est trouve ça intéressant que, hein, d'entendre le mot « tu es pardonné ». Croire au pardon de Dieu. Une dernière citation de Jacques Guillet, de son livre « Jésus et l'Église ». Entre Jésus et l'Église. Est-ce qu'il faut choisir parfois entre Jésus et l'Église? Mais il va dire ceci, son pardon, parce que c'est ce qu'on reçoit par la Sainte Cène, son pardon n'est celui de Dieu qu'en étant d'abord celui de l'homme écrasé et submergé par le péché, de tous ceux qui rencontrent son regard, ses ennemis déchaînés, ses amis en fuite, son innocence bafouée, Jérusalem figée dans sa peur ou son égoïsme. Jésus meurt en pardonnant. Ce que l'auteur dit, c'est que le pardon qu'on reçoit, il est pardon de Dieu dans la mesure où nous l'avons reçu de Dieu devenu homme. Tu sais, parfois on pense juste Dieu. Ah, Dieu, capable de pardonner, il est grand, il a de l'amour, lui. Mais Dieu nous pardonne en devenant homme. C'est en devenant homme, un homme sur une croix, que Jésus, en tant qu'homme, il prononce le pardon pour les hommes. Ça aurait dû être dimanche passé, hein, que j'aurais apporté ce partage-là. Mais on reconnaît ce symbole, hein? Hein? Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est un symbole universel, là. Hein? Dans bien des pays du monde, peut-être. Peut-être en Russie, ils connaissent le symbole du Canadien. Parce qu'on a eu plusieurs joueurs hein, de ces pays-là qui sont venus jouer pour la Ligue nationale, mais c'est un symbole qu'on connaît bien, un signe. Hein? Puis là, si on voit le fanion du Canadien, ben on sait tout de suite c'est quoi. Les chrétiens, nous avons deux signes. On a deux signes. Pouvez-vous me dire quels sont les deux signes que nous avons comme chrétiens? La croix. Malheureusement, on n'en a plus. Oui. Ce n'est pas mauvais qu'on en remette une. Hein? Mais la croix est le signe des chrétiens. On voit une croix. Hein, on sait que la personne est de foi chrétienne. Évidemment, on l'a sur le plateau de la Sainte-Cène, la croix. Mais la croix est le symbole de Dieu qui, en Jésus-Christ, donne sa vie pour nous. Il y a bien des chrétiens encore aujourd'hui qui voient Dieu comme un juge. D'autres le voient comme un maître. Alors, si c'est un maître à suivre, ça va. Si c'est un maître propriétaire d'esclaves, ça va pas. Est-ce qu'un juge donne sa vie pour les personnes, les accusés qui sont devant lui? A-t-on déjà vu un juge dire à un accusé, je vais prendre ma place, je vais prendre ta place, puis je vais aller en prison à ta place, ou je vais prendre la peine de mort à ta place? A-t-on déjà vu? A-t-on déjà vu un maître d'esclaves? Parce que ça existe encore de nos jours. A-t-on déjà vu un maître d'esclaves ou un seigneur féodal dans le temps? Comme ça existe encore dans certaines civilisations, de prendre la place d'un esclave pour dire « je vais subir le fouet à ta place ». Non. Mais Dieu le fait, lui. Et c'est pourquoi Dieu se manifeste en tant que, par Jésus, se manifeste comme Père, comme Sauveur, comme Rédempteur. Dieu donne sa vie pour nous. Ce matin, je vais vous inviter. Voilà, j'en viens au deuxième signe. J'en viens au deuxième. Deuxième signe des chrétiens. Quel est le deuxième signe des chrétiens? Un deuxième signe des chrétiens. Poisson? C'est... Non, malheureusement. Enfin, pas le signe que je veux. Quel autre signe? La colombe? Quel autre? Quel est le signe que nous sommes chrétiens? Qu'est-ce que Jésus a dit, Jean-Noël? Qu'est-ce que Jésus dit quand il dit? À l'amour. L'amour devrait être le deuxième signe des chrétiens. À ce signe, tous connaîtront que vous êtes si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi ce matin, lorsque nous participons à la table du Seigneur, on n'est pas seulement en train de célébrer le pardon, la grâce, mais on est en train aussi de célébrer l'amour de Dieu qui est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit et qui devient le signe que nous sommes disciples de Jésus. Est-ce que les gens... C'est pas une question pour nous culpabiliser, là. Je ne culpabilise pas. Je pose la question. Si Jésus dit, à ce signe, tous connaîtront que vous êtes mes apprentis, que vous apprenez de moi, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, ben, en vous rencontrant dans la rue, au travail, à l'école, est-ce que les gens seraient portés à dire, qu'est-ce que tu as? Tu es certainement une chrétienne, toi. Parce que tu aimes trop. C'est pas possible d'aimer comme tu aimes. Pas vrai? C'est un peu ce que Jésus insinue, là. De même que la croix portée au cou est le symbole, le signe que je suis un chrétien, l'amour que nous devrions dégager, ou du moins le regard d'amour. Hein? J'ai toujours ma petite feuille qui dit que l'amour est un acte de pardon sans fin, un regard de tendresse. Hein? Le monde devrait voir, même dans notre regard, l'amour que nous avons. Ben, ce matin, tous ceux qui veulent participer à la Sainte-Cène, je ne veux pas exclure personne, c'est vous qui décidez de participer. J'aimerais qu'on forme un grand cercle ici, pour qu'on puisse debout, debout. On va mettre la table au centre et j'aimerais, en faisant ce cercle, faites un cercle au travers des chaises ou oh, tu peux les déplacer. Tenez, venez, venez, okay, faites. C'est beau. En fait, on peut se voir les uns les autres. Parce qu'en prenant la table du Seigneur, c'est l'autre aussi. Je participe à la table avec l'autre. L'autre personne est à côté de moi. Puis je lui dis que je veux t'aimer. Je veux que ce soit visible que je t'aime. Parce que c'est le signe que nous sommes disciples de Jésus. Fait que j'aimerais que ce soit visible. Si on peut dire ça à Dieu, demander ça à Dieu, j'aimerais que le signe de l'amour soit visible en moi. Que j'aime, que les gens, pas juste à l'église dimanche matin, mais ça commence là, dans la communauté, mais ça se reflète aussi à notre travail, dans la rue, peu importe nos activités de tous les jours. Fait que si on prenait juste quelques moments pour se recueillir, j'aimerais entendre deux, trois personnes qui vont